Lettre 34e. Agathoclès à Phocion. Phocion, lorsque tu recevras ces lignes, mon sort sera décidé. La mort ou des souffrances insupportables, voilà ce qui m'attend. Malarissa est assassinée, ou ce qui serait pire encore, enlevée par les barbares du Nord. Les Goths ont fait irruption sur les bords du Bosphore et dans la ville de Trachène. Démétrius et ses esclaves ont voulu opposer de la résistance. Il a été tué et tout ce qui habitait la maison massacré ou mené en esclavage. Je veux croire encore que cet horrible récit est faux ou exagéré. Je vais m'en assurer en tremblant. Les chevaux sont prêts, je vole à Trachène. Je saurai si je puis encore attacher quelque prix à la vie.